Eh bien moi, j'ai des bottes rouges, et pourtant, je suis un garçon, je me sens un peu gêné quand je vais jouer à la récré.